Halloween n'est plus un personnage qui est au cœur de notre mémoire médiatique, de nos pratiques médiatiques contemporaines, comme peuvent l'être Harry Potter ou Lara Croft. Et pourtant, il s'est retrouvé aux sources, on va le voir, de pas mal de phénomènes qui sont, eux, au cœur de notre consommation culturelle. En plus d'être un pionnier de l'Ouest, il a été un pionnier d'un certain nombre de phénomènes médiatiques sur lesquels je vais essayer de revenir. Donc pour lui, de ce point de vue-là, plutôt que de séminaire de l'imaginaire, on pourrait en quelque sorte inventer l'idée d'un séminaire d'archéologie imaginaire qui nous explique par le passé d'où viennent certains de nos réflexes médiatiques, promotionnels, et une série d'autres choses qu'on va voir. De la même façon, il n'est pas évident non plus d'en faire un personnage qui soit seulement un personnage ou qui se situerait de plein pied dans l'imaginaire, puisqu'effectivement, tu l'as dit, Buffalo Bill a existé, il a vécu au Far West, il a une aventure territoriale plus ou moins héroïque dans ce Far West, même si, bien sûr, l'imaginaire va s'emparer de lui de son plein gré assez rapidement, puisqu'il va devenir un personnage de fiction populaire de masse, et plus encore, deuxième dimension, il a été le seul héros à ma connaissance à entretenir le mythe de l'Ouest de son vivant et par ses propres soins, en montant une troupe de cirque, toute dévouée à sa gloire et par réfraction à la gloire de ce qui va devenir le western au XXe siècle, l'imaginaire américain de la conquête de l'Ouest. Alors je vais essayer de tenir compte de ces deux dimensions, le héros territorial devenu héros de fiction et le héros de cirque qui finit par devenir le monsieur loyal de sa propre exhibition, pour avancer dans ma description de la vie et de l'œuvre de Buffalo Bill. Pour ça, je vais essayer de suivre une ligne directrice sur base d'une petite distinction de concept, en expliquant ou en essayant d'envisager qu'il y ait deux corps de Buffalo Bill. C'est ce que je viens de dire. Buffalo Bill, c'est d'abord un corps territorial, celui du pionnier du Far West, du pionnier qui s'est voulu héroïque dans le Far West. On va essayer aussi de décortiquer ce qui était héroïque, ce qui ne l'était pas. Et par ailleurs, après une espèce de reconversion tonitruante, c'est devenu un pionnier médiatique de l'exhibition par le cirque de sa vie dans le Far West. Donc il y a un corps d'homme de l'Ouest et un corps d'homme de cirque au cœur de la représentation de Buffalo Bill, ce qui en fait un personnage à la réception assez ambiguë, plus ambiguë que celle de bien d'autres pionniers du Far West, comme je ne sais pas, Davy Crockett, Jesse James, etc., qui ont vécu au présent leur vie de héros de l'Ouest, sans pour autant s'être livrés à sa mise en scène. Donc voilà, tout ça est résumé sur le slide. Et là, il y a un corps héroïque, un corps westernien, qui est inspiré ou un peu extrapolé de sa vie au Far West, et un corps circassien, du mot cirque, qui relève plutôt de son expérience de showman, de chef de troupe de cirque et de directeur de ce qu'il appellera le Wild West Show. Et ça, c'est plutôt les années de son exhibition spectaculaire entre à peu près 1875 et 1900. Donc je vais commencer par l'homme de l'Ouest. Comment s'est construite cette image de l'homme de l'Ouest et du héros du Far West? Et au départ, quelle fut la carrière réelle? Qu'est-ce qui justifie que Buffalo Bill soit ou passe aujourd'hui comme l'un des héros les plus éminents de la conquête de l'Ouest? Est-ce qu'il était aussi historique que ça? Et qu'est-ce qui fait son succès? Bon, d'abord, Buffalo Bill, c'est profondément un homme des grandes plaines, c'est-à-dire de la région des États-Unis. Vous voyez une carte des États-Unis actuelle qui se situe à la fois à l'ouest du Mississippi, mais à l'est des Rocheuses. Donc vous avez souligné ou entouré en rouge l'Iowa, qui est l'État dans lequel il est né. Il se déplace assez vite au Kansas, en bas à gauche, et sa vie va se dérouler presque entièrement dans cette région des Dakota, du Nebraska, du Kansas, qui est typiquement la région des grandes plaines de l'ouest. Donc après avoir déménagé au Kansas, il se retrouve rapidement orphelin parce que son père, donc le Kansas était un territoire assez disputé entre esclavagistes et anti-esclavagistes avant la guerre de sécession, donc avant 1860. Son père anti-esclavagiste va faire l'objet de pas mal d'agressions par des esclavagistes et va finir par mourir dans des conditions un petit peu déplorables à la suite de l'une de ces agressions, pas directement liée à l'agression, mais une espèce de désespoir qui suivra ces luttes entre esclavagistes et anti-esclavagistes, qui fait que Buffalo Bill, le seul homme capable de faire quelque chose pour ses sœurs et sa maman, va devoir assumer à bout de bras la charge d'une famille à peu près 10 ou 11 ans. C'est la principale raison qui va le pousser à aborder tous les petits métiers qu'un jeune de son âge, peut-être un peu plus âgé que lui, pouvait avoir à réaliser dans l'Ouest des années 1850-1860. Alors, quels sont ces petits métiers? Bon, il s'essaye de manière très dilettante les premiers mois à la chasse aux fourrures, à la recherche d'or sans grand succès, mais il va vraiment commencer sa carrière de débrouillard de l'Ouest par le métier de convoyeur de bétail. Vous voyez, 1855, il a 11 ans. Il a 9 ans même, il est né en 1846. Entre 9, 10 ans et 12 ans, il participe à des groupes de ce qu'on peut déjà appeler des cow-boys, puisque ce sont des convoyeurs de bétail qui sont payés, vous voyez là une offre d'emploi de l'époque, entre guillemets, pour acheminer du bétail d'un endroit à l'autre des États-Unis, et ces endroits pouvant être plus ou moins éloignés l'un de l'autre en fonction des missions. Alors, il est dit, en tout cas, c'est pour ça qu'il se fait une première fois remarquer, parce qu'il est dit qu'à 12 ans, il aurait tué un Indien Pawnee qui tentait de dérober son troupeau, qui serait parvenu à le tuer d'un coup de feu. Et donc, c'est ce qui le fait remarquer, mais à ce stade, comme le remarque un biographe français de Buffalo Bill, il n'est pas rare que les enfants travaillent très jeunes sur les terres familiales et participent les armes à la main à la défense du patrimoine. Mais peut-être qu'on peut considérer que le petit William Cody, puisque c'est son nom, il n'est pas encore Buffalo Bill, a très vite fait ce que beaucoup d'autres dans la même région à la même époque étaient obligés de faire. Donc sa précocité le fait déjà remarquer. Ce qui va le faire encore plus remarquer, c'est l'expérience du Pony Express, qui est un service de poste d'acheminement du courrier qui avait été organisé entre 1860 et 1861 entre le Missouri et la Californie, c'est-à-dire plus de 3000 km, où on recrutait, là aussi vous avez une offre d'emploi des jeunes élancés et de préférence orphelins jeunes hommes pour se lancer en 10 ou 12 jours dans cette traversée et pouvoir acheminer le courrier. C'est une expérience, c'est une institution qui va durer que 18 mois parce qu'elle va être vite concurrencée par le télégraphe et puis par le chemin de fer qui sont plus efficaces avec moins de danger, évidemment. Mais Buffalo Bill va rester dans les mémoires comme le plus jeune engagé du Pony Express. Vous voyez qu'en 1860, il a 16 ans. Il a 15-16 ans. Il a à 15 ans qu'il est... En principe, on l'a recruté à 16 ans. Donc, il restera dans l'histoire comme le premier engagé du Pony Express. Et le Pony Express, d'ailleurs, va devenir au XXe siècle l'un des grands éléments du mythe de l'Ouest et l'un des grands marqueurs d'héroïsme de la vie au Far West. Il ne s'arrête pas là, puisque après avoir fait une guerre de sécession un peu timide, il s'est engagé vers la fin dans le camp, évidemment, des nordistes, comme son père défendait déjà l'anti-esclavagisme, mais il était assez jeune, il ne va pas vraiment s'illustrer à la guerre de sécession, il se rattrapera plus tard. Il se marie et, dans le besoin de nourrir sa famille, il devient chasseur de bisons dans le cadre justement du chemin de fer qui est en train de se construire et d'essayer de relier l'Est à l'Ouest des États-Unis. Ce sera chose faite en 1869. Et dans cet immense chantier national du chemin de fer, il va devenir chasseur de bisons. Pas tant pour récupérer les fourrures des animaux que pour nourrir les ouvriers du rail qui ne pouvaient évidemment pas quitter leur chantier et avancer au fur et à mesure que les rails s'édifiaient sur le sol. Et avaient besoin d'être ravitaillés régulièrement. Il y avait des chasseurs de bisons dans la région qui les pourvoyaient en nourriture, en quelque sorte. C'est là qu'il va gagner son surnom de Buffalo Bill. Jusqu'alors, il ne s'appelle que William Cody, mais il acquiert une certaine notoriété auprès des ouvriers du rail, des patrons du chemin de fer, parce qu'il aurait tué, et ça c'est une légende qui est abondamment répétée dans tout ce qu'on lit sur Buffalo Bill, plus de 4000 bêtes en 18 mois, qui lui vaut donc ce surnom de Buffalo Bill. Donc sa notoriété depuis le Pony Express et les premiers petits boulots de cow-boy ne cesse d'augmenter dans la région, et il finit par être repéré par des officiers de l'armée, notamment le général Sheridan, qui est l'un des généraux principaux qui ont à régler le problème indien qui devient de plus en plus grave dans les années, fin des années 1860, 1870, et dont vous savez qu'il culminera en 1876 avec la bataille de Little Big Horn, qui verra la défaite, première défaite significative et très importante des Américains, quand le général Custer se fera tuer par l'alliance indienne conduite par Buffalo Bill en 1876. Il y a déjà des tensions à partir de 1868. Et donc le général Sheridan va embaucher Buffalo Bill, qui a une certaine notoriété régionale, pour être éclaireur civil de l'armée. Il l'affecte comme éclaireur civil auprès du 5e régiment de cavalerie, et il va se rendre assez utile lors des premières rixes des guerres indiennes avant les années 1870, au point qu'en 1872, on lui confiera la mission d'être le guide d'un invité de prestige qui vient faire une chasse touristique dans le Far West, dans la région des Grandes Plaines, c'est le grand-duc Alexis de Russie. Et il va être le guide de cette chasse mondaine que Sheridan veut ménager au grand-duc de Russie. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments qui le rendent célèbre et qui attestent une forme de courage et de valeur. Néanmoins, on s'est pas mal posé la question parmi les gens qui réfléchissent à Buffalo Bill si cette aventure territoriale en elle-même vaut la dimension que s'est acquise le personnage a posteriori. Alors là-dessus, il y a une ou deux citations qui montrent que quand même le contexte de l'époque rend les métiers qu'a exercé entre guillemets Buffalo Bill assez banal. Jacques Portès, toujours le biographe français, explique que William Cody n'a accompli aucun exploit qui aurait marqué l'histoire de son pays. Ce n'est pas David Crockett qui est mort à Alamo contre les Mexicains lors du siège de Fort Alamo. Ce n'est pas non plus Custer lui-même qui mourra historiquement entre guillemets face aux Indiens. Il est plutôt dans l'ordre banal des métiers qu'on exerçait à l'époque. Et son biographe américain, Donald Russell, explique qu'il a eu la jeunesse d'un jeune délinquant des plaines. C'est une manière de relativiser tout de même son implication, même s'il s'est très vite fait remarquer. Donc il fallait autre chose pour qu'il prenne la place qu'il a prise. C'est une rencontre qui va intervenir en 1869 avec un écrivain journaliste de petite envergure, on peut le dire, qui s'appelle Ned Buntline, qui travaille au magazine New York Weekly, un magazine de l'Est, donc il faut le remarquer, et qui va rencontrer Buffalo Bill et qui va se saisir de lui ou saisir l'occasion pour écrire un certain nombre d'articles de presse qui vont entretenir l'intérêt du public de l'Est sur les aventures d'un pionnier significatif qui est Buffalo Bill. Alors au départ, ce sont des articles de presse, mais ensuite ça va prendre une proportion qui est toute médiatique, puisque Buffalo Bill va devenir un des très importants héros de ce qu'on appelle aux États-Unis les dime novels. Les dime novels, ce sont des petits récits dont le format a été inventé par Erastus Biddle en 1860, des petits récits ça varie, mais souvent de plusieurs dizaines de pages, qui sont consacrés à un petit roman d'aventure et qui se vendent en masse. Buffalo Bill, donc ça existait un peu avant que Buffalo Bill y fasse son apparition, mais il va devenir un des sociétaires de dime novels entre les années fin 60 et jusqu'au début du XXe siècle. Il s'en vendra 250 millions d'exemplaires jusqu'en 1900, donc entre 1860 et 1900, 250 millions d'exemplaires. Et c'est vraiment le format du récit de masse, d'une culture du roman qui est absorbée ou est réacclimatée dans une culture de masse. On considère que Erastus Biddle fait le même travail qu'un magnat de l'acier ou les grands patrons de Trust, mais qu'il l'applique ici au récit populaire. Je vous ai mis un petit échantillon de ce que peuvent comporter ces dime novels, ces petits récits. Vous voyez que les cinq premiers sont consacrés à Buffalo Bill. Les trois qui sont en noir et blanc correspondent aux premières séries qui ont été publiées aux États-Unis, donc plus proches des années 1860. Donc le premier, celui en bas et celui tout au fond. Il y en a en américain, mais je vous ai mis aussi une couverture d'un dime novel italien, parce qu'à partir de la fin du 19e siècle, par une filiale, ils seront traduits et mis en diffusion partout en Europe, en Italie, en France, en Belgique, en Allemagne. Vous voyez aussi aux deux dernières vignettes que Buffalo Bill n'était pas le seul, aux trois dernières vignettes d'ailleurs, que Buffalo Bill n'était pas le seul sociétaire entre guillemets de Dime Novels. Il y a aussi d'autres personnages du Far West comme Deadwood Dick, comme Jesse James. Et la dernière image pour rappeler qu'au départ, les Dime Novels n'étaient pas uniquement consacrés au Far West, mais qu'on pouvait y trouver des récits de mer, comme celui dont vous avez un exemple à la dernière page. Alors, c'est tout ça, c'est cette énorme diffusion de petits récits qui va justifier le corps héroïque de Buffalo Bill, qui va transformer sa réputation régionale honorable en dimension mythique ou en représentation vraiment de l'héroïsme du Far West, qui était au fond peu justifié par des actes de bravoure historiques au départ. Mais Buffalo Bill a fait plus, puisque comme je vous l'ai dit au début, il y a deux corps dans la perception qu'on a aujourd'hui de Buffalo Bill, c'est aussi un corps d'homme de cirque. Parce que le fameux Ned Buntline qui l'a repéré va décider, chemin faisant, d'inviter le jeune Buffalo Bill en 1872 à monter sur les planches de théâtre. Il écrit à la va-vite une pièce à moitié improvisée qui s'appelle The Scouts of the Plains et qu'il fera jouer dans un théâtre de Chicago. Alors Buffalo Bill vient avec un ami qui est un homme des grandes plaines comme lui, qui s'appelle Texas Jack, et qui aura aussi une carrière dans le cirque après. Ils interprètent tous les deux leur propre rôle. Du point de vue des critiques théâtraux de l'époque, la prestation est assez lamentable. Buffalo Bill hésite, il a énormément de mal à retenir un texte. Il est mal à l'aise, il n'est pas bien dans ses bottes, pour une fois, et il se trouve assez confiné dans les parois d'un théâtre qui est quand même un lieu assez institutionnel et assez fermé quand on y réfléchit bien. Il réussit pourtant à s'en sortir aux yeux de pas mal de gens et d'avoir un succès les quelques soirées qui suivent, en se débrouillant pour ne pas réciter son texte, mais pour déployer un certain nombre d'effets de manche, tirer en l'air à blanc avec un pistolet, inviter des acteurs faussement indien, donc grimé en indien, à lancer des jurons dans les dialectes, dans le langage courant de l'Ouest. Donc il finit par déjà récolter le succès qui est un succès d'un personnage d'attraction plutôt que d'un personnage de théâtre. Donc le théâtre, pour faire deux secondes de théorie, c'est donc un genre classique qui est dialogué, qui implique le fait d'honorer un texte, le plus souvent, qui est assez narratif, qui déploie une histoire, qui se déploie sur une scène qui est en deux dimensions, avec une espèce de frontalité de spectacle divisé en borné par le côté cour et le côté jardin. On imagine bien que c'est mal adapté à l'illustration de la conquête de l'Ouest qu'avait envie que pouvait faire Buffalo Bill, qui était son potentiel. Et donc il va se tourner vers un autre ordre scénique, qui est l'ordre du cirque, qui est, on peut spontanément s'en rendre compte, un genre beaucoup plus volontiers tourné vers l'action, qui est monstratif, donc monstratif au sens où il n'est pas narratif, c'est-à-dire qu'il joue sur des effets d'exhibition, d'interpellation, il montre le spectacle plutôt qu'il ne déploie dans une fiction dialoguée, etc. Et la piste est dans une certaine mesure tridimensionnelle, puisque on peut y faire coexister un certain nombre de protagonistes simultanément, et qu'on n'est pas dans le face-à-face du dialogue théâtral, qui est souvent la dimension unique du théâtre, surtout dans les pièces de mœurs, etc. Et donc, Buffalo Bill et les gens qui commencent à prendre sa carrière en charge vont retenir que la piste du cirque est la piste de l'Ouest la mieux adaptée en espace scénique, d'une certaine façon. C'est ce qui le conduira, des années après, quand son Wild West Show sera définitivement au point, à se produire dans ce genre d'écrin. Là, c'est en Europe, vous avez le Champ de Mars, où il a installé une piste largement élargie qui ressemble plus à un un champ de cavalerie romain que, qu'à un simple chapiteau. Mais il s'est produit aussi aux arènes de Vérone. Je trouve que l'image est un clin d'œil historique assez intéressant parce que c'est vraiment la rencontre entre la première société spectaculaire, celle de l'Antiquité, celle de l'Empire romain, et la société spectaculaire moderne, rénovée, que commencent à lancer les Américains à l'époque où Buffalo Bill se produit. Donc il y a une espèce d'épiphanie comme ça, à voir Buffalo Bill dans les arènes de Vérone. Donc voilà le genre de piste qui va lui convenir. Et c'est pour ça qu'il va acheminer progressivement sa pratique théâtrale vers le spectacle de cirque. Il va s'inspirer, donc il ne puise pas ça de nulle part non plus, il s'inspire d'un personnage qui avant lui a eu pas mal de succès dans ce créneau-là, c'est Barnum, Phineas Barnum, qui avait eu l'idée dès 1841 de racheter un petit musée new-yorkais pour le transformer en ce qu'on a appelé le Dime Museum. Donc c'est un peu le Dime Museum, c'était un peu Fricks de Todd Browning. Où vous aviez un spectacle de curiosité, quoi. Un nain, déjà des Indiens, une femme à barre, enfin, des choses comme ça. Quoi. C'est la foire et les curiosités humaines réunies dans un même espace, mais pas encore itinérant, limité à ce musée de New York. À partir de 1871, il va investir le cirque, Barnum, et il va considérablement rénover le cirque dans un sens justement masse médiatique, plus dans le sens de folklore local, avoir le cirque à une époque antérieure, mais vraiment dans le sens de machine de guerre médiatique, notamment en multipliant les pistes, les scènes, au sein du même chapiteau de cirque. Ça va être une des idées de Barnum. Et là aussi, Barnum, comme Buffalo Bill et un peu avant lui, va faire le tour du monde jusqu'en Europe. Donc c'est dans cette ambiance-là, entre guillemets, que se crée à Omaha, dans le Nebraska, en 1883, le Wild West Rocky Mountain and Prairie Exhibition, pardon pour l'anglais, qui va rapidement devenir le Buffalo Bill's Wild West. Donc au départ, entre 1883, 1885, 86, les tournées restent américaines, dans l'Ouest et dans l'Est, avec un franc succès, et la formule va se stabiliser autour de 1886, 1887. On peut en faire une petite typologie à partir de cette date-là, même si ça changera. Au fur et à mesure, le show pourra toujours s'adapter au fur et à mesure des lieux de destination et des époques. Néanmoins, on peut dire que le show se divise en une espèce d'atomisation de numéros comme un cirque. On peut diviser d'abord en numéros d'adresse équestre, donc d'adresse au cheval et de tir d'armes à feu, qui traduisent finalement les deux éléments du fétichisme américain de l'Ouest, le cheval et le fusil. Et qui essaye de montrer la culture des cow-boys de l'Ouest, des tireurs, comme la culture qui a triomphé des grands espaces, qui est parvenue à conquérir les grands espaces. Une chose qu'on sait peu, et pourtant ça a eu énormément de succès dans le spectacle, c'est que Buffalo Bill a donné beaucoup d'importance aux femmes, à des femmes évidemment très masculinisées, puisqu'elles étaient tireuses d'élite et qu'elles parvenaient à accomplir des prouesses. Il n'y avait pas que Annie Oakley qui était la plus célèbre, qui a même fait l'objet de films dans les années 30 consacrés uniquement à elle. Il y en avait d'autres. Il a aussi donné une certaine image de la femme américaine dans une ambiguïté entre une vraie indépendance, qu'on pourrait dire féminine, et une masculinité qui l'enracine quand même dans les pratiques de mecs du 19e siècle. C'est assez ambigu, mais assez américain aussi. Et Buck Taylor, qui était le chef de la troupe de cow-boys du spectacle, il n'était pas le seul. Et alors là, évidemment, cavalcade, lasso, rodéo, tout ce qu'on peut imaginer comme folklore du Far West était représenté dans le show. Alors, il y a évidemment les Indiens des Plaines, qui étaient salariés par Cody et recrutés dans la région, constituaient une des principales attractions, surtout en Europe, où l'effet de curiosité était encore plus important. Mais ils offraient un intérêt imaginaire comme protagonistes de la conquête de l'Ouest, mais il faut bien aussi se dire qu'il y avait un intérêt ethnologique, parce qu'on est dans le contexte plus général des expositions universelles, et que l'intérêt pour les races, pour la classification des espèces raciales de par le monde, va bien au-delà de celui pour la conquête de l'Ouest en tant que telle. C'est pour ça que les Indiens de Buffalo Bill vont être une espèce de curiosité ethnographique, au même titre que les Africains dans les expositions universelles dans la même époque, à la même époque, et c'est pour... Ce n'est pas pour rien non plus qu'il fera deux expositions universelles comme protagoniste éminent, Buffalo Bill avec son Wild West Show. C'est l'exposition française de 1889, où il partagera véritablement la vedette avec la Tour Eiffel, et l'exposition de, panaméricaine de 1893, je crois, à Chicago, où là aussi, il est l'une des attractions principales. Donc cette dimension, ce voyeurisme ethnographique appliqué à l'Indien n'y est pas non plus pour rien. Alors quel était le rôle aux Indiens, qui étaient tout de même salariés, ce qui était rare à l'époque, et il entretenait de bonnes relations avec ces Indiens, entre guillemets, c'était d'exécuter un certain nombre de danses qui étaient censées être typiques, propres à leur culture, à s'exhiber à cheval, et surtout à participer en tant que méchant, en tant qu'assaillant, à toutes les scènes d'action, de reconstitution que va proposer le spectacle. J'avais prévu une vidéo, mais je me suis rendu compte en chemin qu'elle ne fonctionnait pas. Donc c'était la vidéo de la fameuse danse Ghost Dance, où on oblige, c'était filmé par Thomas Edison à l'époque, le tout début du cinéma, où on oblige les Indiens du spectacle de Buffalo Bill à exécuter cette danse devant l'objectif. Malheureusement, vous en serez privé pour aujourd'hui parce que j'ai eu un petit problème en chemin. Le clou du spectacle, c'était néanmoins la série de pseudo-reconstitutions historiques qui intervenaient tout le long. Reconstitution historique de la conquête de l'Ouest, toujours du point de vue du conquérant, évidemment. Alors, la fameuse chasse au bison, c'est la première vignette exécutée par Buffalo Bill, qui en savait quelque chose. Il avait été chasseur au bison, c'était son principal métier. La fameuse attaque de la diligence de Deadwood, dans laquelle est monté Salgari, d'ailleurs, un auteur italien, quand le show s'est produit à Vérone, et dans laquelle sont montées un certain nombre de personnalités royales, notamment à Londres. Pendant que la diligence, lors du numéro de reconstitution, était assaillie par les Indiens, mais il y avait quatre personnalités royales qui étaient à l'intérieur, à Londres. Il y avait celui qui allait devenir le futur roi d'Angleterre après la reine Victoria, je crois que c'était Édouard. Il y avait aussi Léopold II. Les deux autres, je ne m'en souviens plus, mais Léopold II est monté dans la diligence de Buffalo Bill en 1887, et il l'a retrouvé après en Belgique quelques années plus tard, j'y reviendrai. Donc l'attaque de la diligence, la vraie, celle qui allait vraiment à Deadwood à l'époque, et que Buffalo Bill a racheté. La fameuse mort de Custer à Little Big Horn, reconstituée. Il faut savoir toujours, pour l'anecdote, que Sitting Bull, le vainqueur de Custer, a fait partie du show de Buffalo Bill en 1885. On ne l'a pas autorisé à aller en Europe, et il mourra tué dans des conditions difficiles à établir, mais probablement par l'armée américaine, en 1890. Voilà. Et il y avait l'inévitable attaque du convoi de pionniers, des fameux chariots bâchés. Donc vous voyez que là, on a vraiment le catalogue visuel de ce qui sera le western. On avait sur scène déjà solutionné les moyens de filmer l'Ouest à la manière du western. Donc le western même muet n'aura plus qu'à piocher dans la réflexion scénique de Buffalo Bill pour trouver des solutions et prolonger naturellement le mouvement en quelque sorte au XXe siècle. Il y avait d'autres prestations un peu plus hétéroclites, je vais passer rapidement là-dessus, mais en Europe, on a jugé bon de convier au spectacle un certain nombre de cavaliers typiques d'autres pays du monde, cavaliers arabes, cosaques, cavaliers mexicains, cavaliers turcs, etc. Et aussi dans le contexte de passion bourgeoise pour le sport de la fin du XIXe siècle, il y avait une espèce d'étrange jeu de football à cheval, avec une espèce d'énorme balle. Donc, ça, c'est plus pour la périphérie un peu plus anecdotique du show. Mais malgré tout, c'est le rôle de Buffalo Bill et la conquête de l'Ouest qui y importait au premier chef. Alors, quel était son rôle à Buffalo Bill dans ce contexte-là, dans ce spectacle qui alternait autant de numéros? Ben, d'abord, c'est que avec son corps héroïque qui désormais lui était acquis, puisqu'il ne faut pas oublier que des milliers et des milliers de dime novels se déversaient partout où circulait le show, en Europe comme aux États-Unis, ben, il s'était acquis une forme de gloire attestée par tous ces petits récits. Et du coup, il devenait, quand il se présentait aux spectateurs, la garantie de véracité du spectacle. Le héros de l'Ouest qui porte au devant du spectateur l'expérience réelle qu'il a vécue. C'est pourquoi son nom, son portrait s'affichait à peu près sur toutes les enseignes. Buffalo Bill's Wild West. contrairement au spectacle Barnum, j'en ai parlé, qui exhibait finalement pas mal d'éléments disparates, on piochait les curiosités un peu partout, il n'y avait pas vraiment de cohérence. Le Wild West Show voyait son unité thématique assurée par Buffalo Bill autour du mythe de la conquête de l'Ouest qu'il représentait, en étant présent simplement. Ensuite, comme un monsieur loyal de cirque classique, il introduit le show aussi, il assure l'ordre dans le show, il l'introduit, il gère l'alternance des numéros, et son rôle vis-à-vis du public est particulier parce qu'il joue en permanence un rôle attractif vis-à-vis du public. En narratologie, on parlerait de fonction conative, fatigue. Il entretient le contact et il s'adresse perpétuellement au public. Et il ramène donc à lui et au spectacle chaque fois l'attention des spectateurs. J'en ai pris un exemple de ce réflexe qu'il a de s'adresser et d'entretenir le public, c'est le fameux salut du chapeau, qui a fini par le définir partout, même au XXe siècle. Le Buffalo Bill saluant du chapeau, c'est vraiment le minimum dans la représentation de Buffalo Bill. C'est l'image la plus immédiate qui vient en tête. Évidemment, vous vous doutez bien que ce n'est pas un signe de reconnaissance qui vient de sa carrière d'homme de l'Ouest. Les cow-boys, avec les difficultés qu'ils avaient, ne se misaient pas à saluer tout le monde du chapeau chaque fois qu'ils croisaient quelqu'un, mais c'est bien un héritage de son corps d'homme de cirque qui peu à peu fait dévier et transforme même son image de héros du Far West, en le rendant beaucoup plus avenant, avec beaucoup plus de sollicitude. Donc c'est devenu vraiment un signe répétitif. Vous avez ici deux récits, un récit, donc une illustration puisée d'un récit de Salgado, justement, La Sovrana del Campo d'Oro, et ça c'est 1905, et une vignette puisée d'une BD plus récente italienne, Tex, où Buffalo Bill est censé être héros du Far West dans les deux cas, donc travailler pour le chemin de fer, etc. Pas du tout homme de spectacle, mais malgré tout, chaque fois qu'il rencontre quelqu'un ou qu'il s'apprête à sauver quelqu'un, il tend le chapeau. Donc a posteriori, il y a une vraie contamination de ce qu'a pu être sa posture d'homme de cirque vis-à-vis des gens. Et ça, c'est amusant à remarquer, ça lui posera aussi un certain nombre de problèmes pour sa postérité. En attendant, je vais m'intéresser au fameux passage en Europe, parce qu'après avoir remporté pas mal de succès aux États-Unis et s'être produit avec toujours pas mal de succès au Madison Square Garden pour des dates exceptionnelles à New York, fin 1886, Mark Twain lui propose ou lui conseille d'organiser une tournée en Europe, à commencer par l'Angleterre. Ça va être la première tournée européenne qui, avec quelques interruptions, va durer de 1887 à 1891-92. Et il va essayer pour cette tournée européenne de s'adosser à des grands événements qui ont lieu en Europe à la même époque. C'est pour ça qu'il va débarquer en grande pompe en Angleterre pour se produire lors d'une représentation toujours exceptionnelle, lors du jubilé de la reine Victoria, qui fête les 50 ans de son règne, qui en plus n'était plus sortie depuis un moment à cause d'un deuil, et qui accepte presque 20 ans après n'avoir plus paru en public d'assister au spectacle de Buffalo Bill. C'est vraiment la culture américaine triomphante qui arrive et qui se fait reconnaître d'emblée par l'ancien monde, en quelque sorte, à travers la reine Victoria. Et donc c'est une entrée en fanfare dans la culture européenne que fait déjà Buffalo Bill en 1887. C'est lors de cette représentation de mai 1887 que tout le monde va monter dans la diligence, les têtes couronnées. Et donc c'est encore une autre forme d'adoubement que tous ces princes consentent à rentrer dans la diligence de Buffalo Bill. Donc un franc succès qui engage, qui encourage le show à continuer à l'exposition universelle de Paris qui se déroule en 1889. Entre-temps, ils font un petit retour aux États-Unis, mais ils continuent la tournée en 1889, où ils s'installent pour plusieurs mois à Paris, et où vraiment, en France, Buffalo Bill va être, avec la Tour Eiffel, l'attraction principale. On parle presque autant dans la presse de l'époque de Buffalo Bill que de la Tour Eiffel. Il va être particulièrement... ça va particulièrement plaire aux Français. Il se produit en France à la porte de Neuilly, à Neuilly, vraiment aux portes ouest de Paris, entre Neuilly et Paris, en 1889. En 1905, quand il reviendra, il se produira au Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Et il va bénéficier d'un certain nombre d'égards. Les journalistes du Figaro vont l'inviter dans leurs locaux, vont l'interviewer, vont rendre compte de ses propos, vont lui souhaiter la bienvenue, vont dire pas mal de bien de son spectacle. Il va même pouvoir en jouer dans sa propre promotion en se présentant au public français comme d'un bout à l'autre du siècle, si vous voulez, le grand héritier de Napoléon en matière de culture du cheval. Le grand cavalier Napoléon ferait face à un siècle de distance à Buffalo Bill, qui serait la culture américaine récupérant le prestige du cheval à la fin du 19e siècle. Il va être peint par la peintre Rosa Bonheur qui se trouve au milieu de l'affiche, qui est une peintre animalière très célèbre à l'époque. Les choses vont dégénérer un peu en 1891 quand il ira se faire photographier au pied de la butte du Lion de Waterloo, puisque les mêmes chroniqueurs du Figaro qui l'ont accueilli en grande pompe écriront une petite brève pour la lire. On nous écrit que Buffalo Bill, accompagné de sa troupe de chienlits exotiques, est allé caracoler sur le champ de bataille de Waterloo. C'est d'un goût exquis. Évidemment, l'harmonie avec Napoléon est moins évidente après cette photo, mais il se réconciliera avec la France et reviendra en 1905. Donc vous voyez qu'il était à Waterloo le 2 juin 1891, ce qui implique qu'il est passé en Belgique. Il est passé en Belgique à l'occasion de chacune de ses tournées européennes, une première fois en 1891, où il s'est produit d'abord à Bruxelles entre le 28 mai et le 11 juin, sur ce qui est l'actuel parc du Ten Bosch, entre XL et Uccle, je crois, du côté de l'avenue Louise, et ensuite à Anvers du 12 au 17 juin. En 1905-1906, pour la deuxième tournée, il va, on pourrait dire aujourd'hui, parcourir la dorsale wallonne de Verviers, pas à Liège, donc il est passé à Verviers, mais de Verviers jusque Charleroi et Mons, avec ensuite en remontant des dates à Bruxelles, à Anvers et à Gand. La deuxième tournée est une tournée beaucoup plus précise et beaucoup plus régionale. Je vais y revenir tout de suite chez Buffalo Bill. J'ai trouvé peu de photos parce que je ne me suis aussi pas directement intéressé au sujet du Buffalo Bill en Belgique. J'ai trouvé peu de photos, j'ai tout de même retrouvé celle-ci. Ça se passe à Bruxelles et vous voyez la diligence sur la gauche, poursuivie par les Indiens et protégée par les cow-boys de Buffalo Bill. Il y aurait tout un travail à faire d'ailleurs, de presque archiviste, pour savoir ce qu'a été précisément la réception du Buffalo Bill en Belgique. Alors, quel est son héritage, pour synthétiser un petit peu, l'héritage général et l'héritage en Europe et dans le monde de ce qu'a fait Buffalo Bill à travers son spectacle? Bon, pour reprendre un terme américain que beaucoup utilisaient pour parler de lui, il a glamourisé la conquête de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il a rendu héroïques et désirables des personnages qui, à lire les récits de voyages antérieurs, ne l'étaient pas beaucoup, comme le cow-boy, qui était en gros considéré comme une espèce de pouilleux tout au long du 19e siècle, et qui devient un héros bien propre sur lui, tout d'un coup assez valeureux, courageux, viril. Il a mis, je l'ai dit, en valeur les femmes dans ses spectacles, bien qu'en les faisant porter le flingue comme des cow-boys, mais il en est resté quelque chose là aussi dans la culture américaine du 20e siècle, et il a fixé des codes et des images durables. On ne sait pas, par exemple, que si le cow-boy dans l'imagerie cinématographique populaire générale porte le Stetson de 10 gallons, ce qui est une dimension particulière de Stetson, mais c'est grâce à lui parce qu'il en a fixé l'emploi chez tous les cow-boys de son spectacle. Évidemment, tous les cow-boys ne portaient pas des Stetson dans l'Ouest, ça coûtait cher et beaucoup n'avaient pas les moyens de s'en procurer, donc ils portaient ce qu'ils pouvaient. Mais Buffalo Bill nettoie tout ça et repolit l'image du cow-boy en standardisant le Stetson comme couvre-chef de choix. Si l'Indien, le plus communément imaginé aussi, porte une longue coiffe de plumes tombante presque jusqu'au sol, ce n'est pas l'Indien universel qui porte cette coiffe-là, c'est un Indien très particulier, l'Indien des plaines, le Sioux, le Cheyenne, un Indien à cheval aussi, qui a fréquenté Buffalo Bill dès sa jeunesse dans les grandes plaines comme éclaireur pendant les guerres indiennes. Puis, c'était ces Indiens-là qu'il a recrutés dans son spectacle. Et donc, par réfraction, les habitudes vestimentaires de ces Indiens-là deviennent celles qui resteront dans l'imaginaire collectif. Un Apache ne s'habille pas comme ça, un Huron encore moins, mais il y a une espèce de généralisation autour de ce que Buffalo Bill a choisi de fixer comme image, ce qui montre encore une fois son impact. Alors aux États-Unis, il a lancé le western déjà comme imaginaire national, il y a beaucoup contribué, au-delà des fractures qui étaient intervenues au XIXe siècle dans l'histoire américaine, la guerre de sécession, le melting pot, l'immigration, il a fait partie de ceux qui ont proposé de subsumer tout ça dans la culture nouvelle du Far West, qui serait la culture la plus originale que les Américains auraient produite. Ça, c'est entre le 19e et le 20e. Puis, à cette époque-là, Roosevelt, le premier Roosevelt, a fait un gros boulot dans ce sens-là, lui aussi, à la même époque. Et il a aussi fixé le western comme genre populaire aux États-Unis, au cinéma, dès le cinéma muet, avec des Thomas Hines, avec le premier John Ford, qui lui doivent beaucoup. Je vous ai dit, le catalogue visuel du Buffalo Bill, c'est le catalogue visuel du cinéma muet western. Ça ne fait pas beaucoup de différence et pas beaucoup d'apport. Mais aussi romanesque. Le western devient un genre plus littéraire que le simple dime novel, avec des auteurs qui s'y intéressent de manière plus profonde, comme Zane Grey, Owen Wister, Louis L'Amour, ensuite un certain nombre d'auteurs qui vont avoir un grand succès et qui sont toujours abondamment republiés aux États-Unis. Alors, face au monde, il va aussi lancer le western comme imaginaire particulier, qui a sa place universelle dans les imaginaires du monde, puisque surtout lors de la deuxième tournée, je vous ai dit 1905-1906, en Europe, il va s'adonner à un vrai quadrillage du territoire. Ça n'est plus les grandes villes qui sont visitées, mais vraiment c'est une tournée en région, on dirait aujourd'hui en France. Je ne vous cite que les premières dates entre le 4 juin et le 27 juin pour la France en 1905, pour vous donner une idée de la précision du quadrillage. Chartres, Alençon, Fleurs, Saint-Lô, Cherbourg, Caen, Lisieux, Évreux, Elbeuf, Rouen, Le Havre, Dieppe, Abbeville, Amiens, Arras, Douai, Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer. Il y en a encore 40 comme ça. Ce sont autant de lieux que dédaignerait, je ne sais pas moi, un gars d'Elmalais aujourd'hui. Ben, Buffalo Bill, venant d'Amérique, il le faisait. C'est ce qui a fait aussi que... il a familiarisé toute l'Europe au minimum avec son image, au minimum avec ce qu'il voulait véhiculer, la culture anglo-américaine de l'Ouest. C'est pour ça que dans les années 10, 20, 30, quand vont arriver les premiers westerns muets en Europe, ben, ils seront assez reconnus, on n'aura pas l'impression que c'est un imaginaire complètement étranger, parce que beaucoup de familles européennes, jusqu'aux années 50, auront le souvenir d'un parent ou d'un ancêtre qui a été là au moment du show de Buffalo Bill et qui s'est souvenu d'avoir vu un Indien parader à côté de son hôtel, de l'hôtel de ville, de sa ville, de son village. Il faut dire que le show, ce n'était pas que le show, il n'intéressait pas que les spectateurs déjà nombreux qui y participaient, entre 1000 et 2000 par représentation, souvent à raison de 2 représentations par jour. Mais il y avait tout un dispositif médiatique qui l'accompagnait. J'ai parlé des dime novels qui s'efforçaient d'être publiés dans la foulée en anticipant le passage de Buffalo Bill dans les pays concernés. Mais il y a aussi les affiches publicitaires avec de vraies techniques d'interpellation, d'entertainment, de promotion moderne. Quand il écrit et il déclinera dans toutes les langues cette affiche-là, qui est une des affiches connues, il n'emploie pas une technique promotionnelle bien différente de ce que font les promoteurs de Star Wars qui va sortir le mois prochain et dont Björk nous parlera en décembre. Donc il réfléchit au dispositif médiatique qui va rendre le plus présent possible sa venue, même pour ceux qui n'y participeraient pas ou qui n'achèteraient pas leur place au show. Il n'y a pas que ça. Il va s'efforcer en Europe de se faire photographier dans une posture de perpétuel clin d'œil touristique aux lieux importants des pays qu'il visite. Là, vous le voyez pas loin du Vésuve, puis à côté du Pont Neuf à Paris, puis évidemment avec ses Indiens en gondole à Venise, à l'intérieur du Colisée où il ne pourra pas se produire. Il voulait, mais finalement, c'était pas assez, l'infrastructure ne convenait pas. Mais il s'est quand même fait photographier à l'intérieur du Colisée et devant la place, devant la basilique Saint-Pierre. Il sera d'ailleurs reçu par le pape Léon XIII, si je ne m'abuse, en 1890. C'est une manière aussi d'interpeller le spectateur local et de lui dire « Il y a un lien entre le monument que tu connais et le passage de Buffalo Bill. » Si j'ajoute que toutes ces images viennent de cartes postales, on peut aussi considérer que Buffalo Bill invente le produit dérivé en déployant partout où il passe un potentiel d'achat de souvenirs qui rappellerait aux acheteurs le lieu qu'ils connaissent avec le personnage venu de loin, Buffalo Bill. Donc voilà pour un petit passage en revue du dispositif. Il y avait les parades aussi. Ils ne se contentaient pas du spectacle lui-même à l'intérieur de l'arène ou du chapiteau, mais ils paradaient dans la ville le plus souvent possible pour annoncer le chapiteau, un peu comme le font encore aujourd'hui beaucoup de cirques. Qu'en est-il resté? Donc, j'ai parlé de son héritage imaginaire qui est indéniable. Il a été la rampe de lancement du western, mais que reste-t-il de lui au XXe siècle et peut-être au XXIe? Le show il fait faillite en 1913, Buffalo Bill ne gérait pas bien son argent, il avait des problèmes d'alcool, il a été souvent arnaqué et il jouait beaucoup. Il finit par faire faillite après que son show était déjà racheté en 1913. Il meurt en 1917, quand les États-Unis entrent en guerre d'ailleurs en Europe. Donc s'il a révolutionné l'industrie du divertissement à travers les dispositifs médiatiques dont j'ai parlé, une industrie largement déracinée, tout en faisant connaître une culture qui au départ était enracinée, celle du Far West et des pionniers, une culture très régionale finalement, et très terrestre. Ça a été bon pour le western, mais ça a plutôt joué en sa défaveur, en tout cas en défaveur de sa postérité, puisqu'au XXe siècle, les complications entre l'image héroïque de Buffalo Bill et le western vont commencer à apparaître. En 1900-1940, les réalisateurs du cinéma récupèrent son héritage, mais le laissent un peu de côté. On lui préfère des héros au pédigré complètement westernien, si vous voulez, comme David Crockett, comme Custer, comme Jesse James, etc., qui n'ont jamais été que westerners, même s'ils continuent à avoir un franc succès dans les dime novels qui sont republiés également en Europe. De plus en plus, à partir des années 40, il va y avoir un malaise dans la représentation des quelques films qui essayent de parler de lui. Alors un des plus beaux westerns des années 40, c'est le Buffalo Bill de William Wellman, qui montre bien le malaise d'un homme finalement intime. La seule facette de son personnage à laquelle je ne me suis pas intéressé, il y a ces deux corps de l'Ouest et du cirque. Le Buffalo Bill intime essaye de sortir un peu de ses coulisses dans le film de Wellman et de montrer aussi certains écarts qu'il pouvait y avoir entre son héroïsme et son personnage réel, et sa posture d'homme de cirque et son personnage réel. C'est la première petite fragmentation. Et puis à partir des années 50, son image va quitter toute possibilité de représentation héroïque dans l'Ouest pour devenir autre chose. Alors il y a deux moyens de le représenter dans la fiction à partir de 1950. C'est d'abord un moyen que j'ai essayé d'étudier dans un petit article récemment, c'est que pas mal de récits de fiction qui s'attachent à lui commence à produire des récits du Wild West Show plutôt que des récits western. Donc les personnages, dans ce cas-ci, j'ai pris un exemple, le Catamount d'un roman d'Albert Bonneau et toujours la série Tex consacrée à Buffalo Bill, mais présentent des intrigues similaires. Ce sont les héros complètement western, Catamount et Tex, qui se rendent dans une ville où se produit le spectacle de Buffalo Bill, qui vont y régler un meurtre. Et Buffalo Bill les accueille gentiment, mais comme un homme d'affaires, comme un homme de spectacle, plus du tout comme un homme de l'Ouest. Le cynisme des auteurs va même jusqu'à le rendre assez impuissant face aux événements qui arrivent. Il donne un coup de main, il fait profiter de son prestige. Mais on sent bien qu'un cap est passé dans sa représentation et qu'il n'est plus représentable comme héros du Far West. C'est Catamount et Tex, en l'espèce, qui prennent la relève. Alors il y a une manière plus violente de déconstruire l'alliance des deux corps qui marchait bien dans le Wild West Show mais qui finit par poser problème donc au XXe siècle, c'est la radicale déconstruction et ça va être la mission que vont s'assigner les westerns contre-culturels dans les années 70 dans un contexte général de déconstruction de tous les mythes nationaux aux États-Unis et d'ailleurs ailleurs aussi. Le Buffalo Bill and the Indians de Robert Altman de 1876 en est un bon exemple, puisque là, on peut franchement dire que les deux corps de Buffalo Bill, le corps de westerner et le corps d'homme de cirque, se fracassent l'un contre l'autre et qu'il n'en reste plus grand-chose. Comme westerner, on se rend compte que Buffalo Bill ne sait pas porter un fusil, encore moins tirer, qu'il est tellement ivre qu'il ne parvient même pas à se dresser sur son cheval de manière élégante. Et comme homme de spectacle, on s'aperçoit qu'il se fait perpétuellement arnaquer, qui n'est pas du tout maître de son business et qu'il faut toujours lui donner des consignes comme à un automate pour qu'il se comporte comme il doit face à son public. Du coup, l'image de Buffalo Bill est ressortie très endommagée et je termine tout de suite. Qu'est-ce qu'il en reste ? Un musée à Cody, dans la ville du Wyoming qu'il avait fondée, qui reste toujours à son effigie et où se comptoient pas mal de musées différents, dont un musée, par exemple, d'histoire naturelle, qui est pourtant placé sous l'égide d'un personnage de spectacle. Donc on voit que même du point de vue de la muséographie, la culture spectaculaire aux États-Unis est assez étonnante. C'est un musée étonnant à parcourir pour ce côté disparate, uni par Buffalo Bill. Et il y a un roman que je peux vous conseiller, puisque désormais Buffalo Bill en littérature semble voué aux réécritures un peu savantes, intellectuelles, ou aux études, comme ce que je viens de faire, un peu une étude culturelle qui montre son archéologie médiatique. Mais il y a tout de même un roman assez touchant d'Éric Vuillard qui est resté longtemps en lice pour le concours l'année dernière, qui est sensible, bien écrit, et qui explore aussi cette sensibilité un peu à la Wellman derrière les deux corps de Buffalo Bill et les contradictions inhérentes. Je peux finir sur une espèce de vœu. Dans 100 ans, les Américains auront à fêter le centenaire de sa mort. Tout porte à croire que la messe mythique de Buffalo Bill est dite. Peut-être qu'une œuvre un peu plus exceptionnelle à cette occasion-là nous démentira. Voilà, je vous remercie. Bravo.